Bonjour, ici Valérie Levé, vous écoutez CKRL 89.1 et c'est l'heure de votre magazine de culture scientifique Futur Simple. Wikipédia est devenu un incontournable quand on cherche de l'information sur à peu près n'importe quel sujet sur Internet. Vous pouvez par exemple taper Viking, Aspirine, Charlemagne ou Béton ou n'importe quoi dans un moteur de recherche et souvent une page Wikipédia va arriver. Alors comment fonctionne Wikipédia? Qui écrit dans Wikipédia? Pour découvrir les coulisses de Wikipédia, j'ai invité Alouan Fan. Elle est wikipédienne et membre du conseil d'administration de Wikimedia Canada. Et on va voir avec elle que l'univers des wikis, c'est plus que Wikipédia. Bonjour Alouan. Bonjour Valérie. Alors Alouan, je vous ai présenté comme une wikipédienne, mais être wikipédien ou wikipédienne, en fait, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est toute personne, tout simplement, qui effectue des modifications à l'encyclopédie en ligne Wikipédia de manière bénévole, généralement à l'aide d'un compte sous pseudonyme. Tout simplement, avec un compte pseudonyme, on rentre et on fait des modifications. Alors, on va voir un petit peu plus tard comment on fait pour devenir wikipédien. Mais j'aimerais qu'on commence un petit peu par le début de Wikipédia. Aujourd'hui, c'est un outil d'information courant, mais Wikipédia n'a pas toujours existé. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment et quand est né Wikipédia et en fait, qui a fait naître Wikipédia? Alors, Wikipédia n'a effectivement pas toujours connu le succès qu'elle connaît aujourd'hui. À l'origine, il s'agit d'un projet encyclopédique à partir d'une idée de Jimmy Wells et Larry Sanger, appelée Nupédia, on parle des années 2000. Par contre, Nupédia était relu et corrigé avant la publication des articles, comme c'est le cas généralement dans le monde de l'édition traditionnelle. Et Wikipédia est alors créé comme brouillon de Nupédia. Et c'est Wikipédia qui a fini par prendre le dessus, comme vous pouvez vous imaginer, parce que vous n'avez probablement pas entendu parler de Nupédia. Non. Et la raison, c'est que les articles de Wikipédia, qui sont donc des brouillons permanents quand on y pense bien, sont devenus bien plus nombreux que les articles de Nupédia. Et c'est à ce moment-là que Larry Sanger, insatisfait de la qualité justement de brouillon de Wikipédia, a décidé de quitter le projet. Et que la Wikipédia, en tout cas la version en anglais que l'on connaît, est née. Et nous avons fêté ses 20 ans récemment. Ah oui, quand même, ça fait quand même 20 ans. C'est tellement rentré maintenant dans notre vie courante, Wikipédia, mais ça fait quand même 20 ans que ça existe. Alors, je vous ai présenté aussi comme membre du conseil d'administration de Wikimedia Canada. Donc, Wikimedia, c'est quoi? Oui, alors Wikimedia Canada est un organisme à but non lucratif qui est également enregistré comme organisme de bienfaisance au Canada et qui vient soutenir les personnes et les projets Wikimedia. C'est un chapitre en fait national qui est reconnu par la Wikimedia Foundation aux États-Unis, mais on pourra peut-être en reparler plus tard. Wikimedia, est-ce que c'est l'organisme un petit peu, la fondation qui chapeaute un petit peu la production, la coordination de toutes ces pages Wikipédia? Alors, absolument pas. D'ailleurs, on a souvent des personnes qui nous écrivent et qui, souvent pour des mises en demeure à propos des articles, mais en aucun cas, la Wikimedia Foundation et Wikimedia Canada et les autres chapitres nationaux, d'ailleurs, ne sont responsables de ce qui est écrit. Ce sont les différents contributeurs et contributrices qui sont responsables de ce qui est écrit, mais en général, la plupart du temps, ce sont des personnalités en fait publiques qui essaient d'effacer des mauvaises choses qu'elles ont faites, alors que ce sont des faits avérés. Alors, effectivement, il n'y a pas de personnes qui chapeautent la production. des articles. Wikimedia est quand même un modèle qui est unique en son genre. En plus d'une absence de relecture avant la publication, comme j'en ai parlé, il n'y a pas une seule personne qui coordonne l'écriture de l'encyclopédie parce qu'elle fonctionne de manière décentralisée et elle repose sur un travail qui est collaboratif et bénévole. Alors bien sûr, au début, et on l'applique toujours aujourd'hui, il y a des principes fondateurs comme des règles d'édition et de fiabilité des sources pour s'assurer de la qualité et de l'homogénéité des pages. Par exemple, quand on regarde toutes les pages Wikipédia, elles se ressemblent au niveau de l'aspect visuel, mais tout est relativement autogéré. Donc, à ces personnes qui écrivent, en fait, s'ajoute une foule de bénévoles qui joueront différents rôles, de l'administration, bien sûr, des pages, à l'arbitrage en cas de conflit d'édition, parce qu'évidemment, il y a des sujets qui peuvent être controversés. Et dans ce cas précis, il y aura des discussions. Donc, c'est l'onglet « discussion » qu'on le retrouve sur chaque page associée qui sert à cet effet. Ben, on va peut-être y revenir à cet onglet « discussion » qui est probablement assez méconnu. Mais j'aimerais qu'on commence donc par un petit peu le début de la contribution. Vous dites qu'il y a des bénévoles qui écrivent, mais en fait, qui peut écrire? Qui sont les contributeurs? Est-ce que n'importe qui peut devenir bénévole et apporter sa pierre un petit peu à l'édifice de Wikipédia? Oui, effectivement. Donc, n'importe qui ouvre un compte peut se mettre à participer. En fait, tout simplement, il y a un autre onglet qui vous permet d'éditer tout simplement la page. Mais je vous dirais, comme profil, de manière générale, jusqu'à présent, c'est ce qu'on appelle un homme weird. Donc, c'est l'acronyme en anglais pour un homme d'une société occidentale, éduquée, industrialisée, riche et démocratique. Et j'ajouterais qu'il y a de bonnes connaissances, évidemment, informatiques. À l'âge moyen, on parle de 40 ans, 50 ans, mais bon, je pense que ce portrait-là commence à changer. Et les contributrices dans tout ça, eh bien, on ne sait pas exactement combien de femmes contribuent, parce qu'évidemment, comme c'est sous pseudonyme, tout le monde ne va pas donner son identité. Mais je dirais qu'il y a plus en plus de femmes qui contribuent, peut-être entre 10 et 20 %. Donc, vous entendez souvent parler peut-être de fossé des genres, autant dans la contribution que dans les sujets qui sont abordés, notamment au niveau des biographies. Mais Wikipédia, disons que ce n'est que le reflet de la vie réelle. Et dans la vie réelle, il y a toujours moins de biographies ou d'articles dans la presse sur les femmes que sur les hommes. Mmh. Donc, il y a un biais un petit peu de genre dans les contributeurs. Mais si les femmes veulent participer, elles peuvent ouvrir un compte, se donner un pseudonyme et participer aussi donc à la production des articles. Mais alors, à ce moment-là, est-ce que les contributeurs comme ça décident d'eux-mêmes, « Oh, bah tiens, je vais écrire un article sur les châtaigniers. » Est-ce qu'on décide, puis là, on s'inscrit, on ouvre une nouvelle page, on écrit un article sur les châtaigniers. Comment ça marche? Exact. Donc, on va pas recréer des pages qui existent déjà. Donc, faut déjà vérifier que la page n'est pas déjà existante. Mais effectivement, vous pouvez contribuer à n'importe quelle page, créer n'importe quelle page. Mais petit bémol, l'article doit quand même passer la barre de l'admissibilité. C'est-à-dire qu'il y a des critères d'admissibilité pour entrer dans l'encyclopédie qui dépendent évidemment de la nature du sujet et de la langue d'édition, parce que chaque Wikipédia, en fait, se dote de ses propres règles qui sont rédigées par les communautés de chaque langue. Donc, des articles peuvent être aussi proposés en suppression. Et alors là, on va passer au vote. Donc, ces personnes qui sont assez rapides pour supprimer certains articles ont souvent une vision plutôt conservatrice des règles. Je vais donner un exemple très concret. Un article, par exemple, sur un groupe de musique en émergence pourra avoir des difficultés à se faire sa place avant que le groupe en question n'ait acquis une notoriété reconnue, parce qu'elle ne satisfera peut-être pas tous les critères qui sont énoncés à titre de guide par la communauté. Donc, ça peut être difficile, je vous dirais, pour des sujets à propos notamment de biographies de personnes marginalisées qui sont bien connues dans une partie du monde, mais inconnues dans l'autre. Donc, c'est pour ça qu'il faut ensuite apporter des sources, disons, pour appuyer nos propos quand on écrit dans l'encyclopédie. Mais comment on fait pour connaître ces règles, pour connaître ces règles d'édition, les règles, les critères d'admissibilité des articles? Comment on fait? Est-ce qu'on les trouve sur Wikipédia, ces règles-là? Oui, effectivement, on trouve tout, absolument tout sur Wikipédia, précisément les règles. Je vous dirais que je ne sais pas quelle est la proportion, mais il y a un nombre incroyable justement de pages au-delà donc de l'encyclopédie, qui c'est finalement juste la pointe de l'iceberg. Mais pour coordonner, disons, tous ces projets-là, surtout de façon décentralisée, on a beaucoup, disons, de notices d'utilisation, afin de pouvoir contribuer de la meilleure façon que possible et puis être surtout dans le même état d'esprit afin qu'il forme pas d'uniformité, disons, mais au moins qu'on s'entende au moins sur quelques critères. Et alors, bon, maintenant, ça peut paraître quand même un petit peu intimidant de devenir contributeur, de créer un article. Alors, est-ce qu'il y a moyen de le faire progressivement avec des Wikipédiens qui ont déjà l'habitude, ou est-ce qu'il y a des formations tout simplement pour apprendre à écrire dans Wikipédia? Est-ce qu'il y a des clubs de Wikipédia? Est-ce qu'on peut se lancer avec l'aide de quelqu'un? Oui, alors il y a plusieurs voies possibles. La première, peut-être la plus rapide, c'est de façon autodidacte. Quand vous entrez dans l'encyclopédie, dans le menu de gauche, il y a un onglet qui s'appelle Débuter sur Wikipédia. Et vous pouvez y aller. Bon, moi, il y a plus d'une dizaine d'années, c'est comme ça que j'ai fait. Il n'y avait pas autant d'aide, je vous dirais, il y a 10 ans qu'il y en a aujourd'hui. Donc, ça s'est vraiment bonifié de ce côté-là. Il y a des formations qui sont notamment offertes par des institutions telles que Bibliothèque et Archives nationales du Québec, l'ACFAS, qui est une association de chercheurs. D'ailleurs, ils ont publié récemment un guide, en fait, qui peut être retrouvé en les contactant, la Cinémathèque québécoise, mais il y a également ce qu'on appelle des Wikiclubs, donc le Wikiclub Acadie, le Wikiclub Croissant Boréal, mais également d'autres groupes comme Rhizome qui visent par exemple la découvrabilité des arts littéraires québécois. Donc ce sont des groupes locaux où l'on peut rencontrer des contributeurs et contributrices en chair et en os, ou au moins, disons, à distance en ligne en ce moment. Évidemment. Et les Wikiclubs, par contre, eux sont reconnus par Wikimedia Canada, donc qui est, comme je vous l'ai dit, le chapitre national qui est géré par des bénévoles. Et donc, on peut vous aider à vous mettre en lien avec ces personnes-là. Mais je vous dirais qu'il existe aussi de plus en plus de bibliothécaires et de professeurs au Cégep et à l'université qui savent comment éditer Wikipédia. Il y a une autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous créez votre compte, vous êtes parrainé ou marrainé avec un ou une contributrice bénévole de la Wikipédia en français, et vous pouvez communiquer évidemment avec cette personne. D'accord. Alors après, bon, mettons que je veuille devenir wikipédienne, je m'inscris, je me crée donc un compte et j'écris, bon, comme je disais, sur les châtaigniers, un sujet au hasard. Je vais écrire une certaine quantité d'informations. Est-ce que quelqu'un va valider ce que j'ai écrit? Parce que je peux me tromper, je peux ne pas tout connaître non plus sur les châtaigniers, je peux créer des erreurs. Donc, est-ce qu'il y a un processus de validation pour vérifier que ce que quelqu'un écrit est exact? Ben, je vous dirais que oui et non. Donc, autant l'écriture est effectuée par des bénévoles, autant la relecture est également effectuée par des bénévoles. Donc, ça va dépendre évidemment du sujet. Certains sujets, il va y avoir un processus de vérification et de rectification de l'information assez lourd. Des sujets, par exemple, comme des pages biographiques sur des personnalités, des présidents ou des présidentes de la République, par exemple, seront étroitement surveillés et même parfois verrouillés à l'édition, parce que justement, il y a des guerres d'édition. Par contre, des sujets à propos d'un rongeur obscur le seront probablement moins parce qu'elle attirera moins l'attention. Et s'il y a plusieurs personnes qui veulent écrire sur un même sujet, puis c'est peut-être là qu'on en vient peut-être à la fameuse page discussion, où quand on regarde donc la page discussion, peut-être qu'on peut dire, quand on rentre sur la page habituelle de Wikipédia, c'est la page article, mais en haut, il y a un autre onglet qui est donc la page discussion. Et donc là, on voit donc des discussions entre différents contributeurs d'un même sujet, ou c'est quelqu'un qui, ou c'est d'autres personnes qui sont tombées sur l'article et qui se sont dit, ben non, lui, et cette personne-là a écrit des erreurs, faudrait peut-être la réaligner sur des informations plus exactes. Comment que ça se passe, cette page aux discussions, et elle sert à quoi? Justement, à discuter des choses des fois dont on n'est pas sûr. Je peux donner un cas qui m'est arrivé. En fait, il y avait des notions, par exemple, en biologie, qui sont donc souvent créées évidemment dans la langue anglaise. Et ensuite, parfois, les traductions en français ne sont pas, disons, officielles. Et donc, il se peut qu'on ne s'entende pas nécessairement sur les mots, justement, puisqu'il n'existe pas de traduction officielle. Et dans ce cas-là, pour le titre d'un article, eh bien, on va en discuter. Donc, tout simplement, il s'agit pour la personne qui contribue de poster un message, d'attendre, disons, 1 à 2 semaines par politesse, attendre que les autres personnes qui contribuent à la page s'y opposent ou apportent peut-être d'autres idées. Et ça se fait de façon collaborative, c'est le but. Et une fois que c'est discuté, on arrive à un consensus. Et dans ce cas-là, tout va bien, je vous Donc, dirais. on a une co-construction finalement du contenu d'un article par le biais de cette page de discussion. Exact, et c'est ce qui fait la force en fait de ce modèle qui est totalement atypique, disons, dans le monde de l'édition. C'est vraiment collaboratif et bénévole. En même temps, c'est un bon indice, cette page discussion, parce que on peut aussi aller regarder, même si on ne contribue pas, on peut aller regarder la page discussion et voir si ça discute. Si ça discute dans le même sens ou si les personnes qui discutent sur cette page-là sont pas d'accord, ça peut peut-être nous donner un indice que l'information sur la page de l'article n'est pas tout à fait exacte. Controversé, oui, et controversé, tout simplement. C'est tout à fait normal et je vous dirais que c'est un plus par rapport à d'autres articles, je ne sais pas, qu'on pourrait retrouver dans la presse, où alors là, il y a une seule personne qui écrit, c'est une vision unilatérale, et il n'y a pas ni processus disons, de correction après publication, c'est extrêmement rare. Très bien. Et est-ce que ça permet, en fait, quel est le niveau de confiance qu'on peut avoir quant à l'exactitude de ce qu'on lit dans Wikipédia en général, par rapport à une autre encyclopédie Universalis ou les encyclopédies, les papiers qu'on connaissait avant? Alors, de façon pratique, je dirais une bonne confiance de manière générale. Vous n'avez qu'à demander aux étudiants et étudiantes qui ont un travail à rendre à l'école ou aux journalistes d'ailleurs qui doivent faire un survol rapide d'un sujet. Les derniers articles en date que j'ai retrouvés, parce qu'il y a des études évidemment qui se font sur la véracité, la vérifiabilité des articles, c'est une thèse de doctorat en médecine sur la Wikipédia en française qui a été soutenue en 2017 et l'auteur y a examiné en fait en profondeur 5 articles d'intérêt, donc 3 sur des pathologies qui sont fréquentes et graves, donc l'AVC, le cancer du côlon et le diabète sucré, et 2 articles qu'on qualifie justement de polémiques ou controversés, la vaccination qui est évidemment un sujet de l'heure, et je peux vous dire qu'il y a 1 800 contributeurs et contributrices à la page vaccination en français sur Wikipédia, et donc l'autre page, c'est l'interruption volontaire de grossesse. Donc les résultats de son étude, il a montré que 82% des informations qui sont présentes dans ces articles au moment où il les a étudiées sont validées par les référentiels donc de médecine qui sont utilisés traditionnellement, et que seulement une partie infime, donc entre 1 et 2%, serait infirmée. Donc 1-2% de choses qui seraient fausses. Donc je pense que c'est sans avoir fait d'études poussées que dans les encyclopédies papier plus traditionnelles, il y a aussi des erreurs qui se glissent et qui doivent être du même ordre de grandeur que Wikipédia. Donc Exactement. Alors là, vous parliez à Loane, donc des pages françaises, des pages anglaises. J'imagine que ça a commencé en anglais, puis bon, il y a des pages en français, il y a des pages dans un peu toutes les langues. Effectivement, donc c'est Wikipédia édité dans près de 280 langues, donc on parle de 30 millions d'articles au total. À peu près 25 000 articles sont créés par jour sur les différentes versions linguistiques de Wikipédia, si je ne me trompe pas. Et c'est effectivement la version anglaise qui comprend le plus de pages, donc on parle de 6 millions de pages en tout. La version allemande et française prennent la deuxième et troisième place, respectivement, avec plus de 2 millions d'articles. Il y a aussi des langues moins connues. Par exemple, à Wikimedia Canada, nous sommes fiers d'avoir été à l'origine du lancement de la Wikipédia en natikamekw en 2017. Ah, c'est bien, c'est très bien, d'accord. Et est-ce que la production des articles, comment ça évolue dans le temps? Est-ce que c'est linéaire, ça continue d'augmenter toujours de la même façon, au même rythme, ou est-ce que c'est exponentiel? Est-ce que ça stagne? Qu'est-ce qu'on observe? Bah, elle est montée en flèche durant les premières années, c'est sûr, mais elle commence à ralentir dernièrement. Bon, on peut se demander, évidemment, toute la connaissance du monde écrite quelque part a-t-elle une fin? Ça, je pourrais pas y répondre nécessairement en quelques minutes, mais il y a une explication aussi qui est possible, c'est que les contributions, finalement, se concentrent sur l'amélioration des articles qui sont déjà existants plutôt que la création de nouveaux articles. Puis d'ailleurs, il existe des toutes sortes de statistiques sur les langues pour voir l'évolution du nombre d'articles dans le temps. Maintenant, il y a un point qu'il faut aborder aussi, quand même assez rapidement dans le temps qui nous reste. Bon, les contributions sont bénévoles, mais il faut quand même de l'argent pour soutenir toute l'infrastructure informatique qui est derrière. Donc, comment est financé Wikipédia? C'est la fondation, en fait, aux États-Unis, qui est également un organisme à but non lucratif, qui gère notamment les serveurs. C'est ça aussi qui coûte cher. L'argent provient de dons individuels et corporatifs, notamment quand vous cliquez sur les bandeaux des collectes de fonds dans Wikipédia, c'est la Wikimedia Foundation à qui vous donnez. Et la fondation redistribue ensuite une partie de ces dons, en fait, aux groupes locaux comme nous. Mais vous pouvez également faire un don directement à votre organisation locale, comme à Wikimedia Canada, parce que vous recevrez un reçu d'impôt, contrairement à la Wikimedia Foundation qui se trouve aux États-Unis, à moins que vous ayez un compte en banque aux États-Unis. Et alors, je disais en introduction que le monde des wikis, ce n'était pas seulement Wikipédia. Est-ce que vous pouvez nous donner deux ou trois indices sur d'autres plateformes wiki qui existent? Oui, alors il y a d'autres projets qui sont aussi gérés par la Wikimedia Foundation, une douzaine environ. Et alors pour en citer quelques-uns qui sont populaires après Wikipédia, bien entendu, il y a Wikidata, qui est une énorme base de données sur laquelle Wikipédia repose notamment pour des informations comme date de naissance d'une personnalité, par exemple dans les biographies, qui peuvent être affichées en fait très facilement, quelle que soit la langue, plutôt qu'obliger des bénévoles à faire une entrée à chaque fois pour chacune des langues. On a également Wikicommons, qui est un répertoire de médias tout sous licence libre. D'ailleurs, toute l'encyclopédie et les projets sont sous licence libre. Donc, on parle de réutilisable par quiconque et qui sert donc à illustrer Wikipédia. On a par exemple des photos. Donc, c'est aussi une façon de contribuer à Wikipédia. On a un projet ici qu'on a appelé Tapis Rouge, en fait, avec les gens dans le cinéma qui ont été photographiés et dont on a mis les photos dans leur notice biographique. Et enfin, on a MetaWiki, donc ça, je vous le dis, c'est la face cachée de l'iceberg. C'est afin de coordonner tous les projets gargantuesques. Il faut des pages et des pages de documentation et de discussion pour pouvoir coordonner tout ça. Voilà. Alors, c'est un vaste monde et nous voilà donc mieux informés sur les arcanes de Wikipédia et des wikis en général, de Wikimedia. Donc, merci beaucoup, Aloane. Merci Valérie. Alors, je rappelle que nous étions en compagnie de Aloane, fan wikipédienne. C'est la fin de Futur Simple, mais je vous retrouve la semaine prochaine. Il sera question d'environnement avec Louis Guay, professeur de sociologie, qui a écrit cet automne un livre intitulé Les enjeux sociaux de l'environnement. Et pour le moment, je vous souhaite une belle soirée à l'écoute de CKRL 89.1. La lumière penserait de toi comme la fée de l'odeur. Elle ensorcelle les bois. As-tu vu l'autre bord poussé par la rivière, dormi sous les aurores, les boréales sous tes paupières, tes paupières. As-tu évité les rapides, assis sur une pierre? As-tu choisi le tu déposes tes armes, as-tu laissé ta douce faire un lit de mousse et des...